souvent sirènes aux grands yeux de porcelaine, passant sur les quais de Seine. Menait son cœur en bateau, chantant si bien qu'il enseigne rien de mieux sous le soleil qu'un rire comme une merveille. Ah, s'il était un héros. Mais l'océan où il traîne se trouve qu'en lui-même, et c'est un si long sommeil que de vivre.